La communauté internationale condamne sévèrement les actes dangereux de provocation d'une guerre nucléaire menée par les impérialistes américains et les autorités sud-coréennes contre notre République. Il y a quelque temps, en Grande-Bretagne, les personnalités politiques et sociales et d'autres citadins ont livré une manifestation de protestation contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes contre le Nord. Le Comité autrichien de solidarité des syndiqués pour la réunification pacifique de la Corée a envoyé une lettre de protestation aux ambassades américaines et sud-coréennes dans son pays. Le premier secrétaire du Comité central du Parti des travailleurs communistes du Bélarus a condamné aussi les manœuvres militaires américano-sud-coréennes. Par ailleurs, l'Association britannique d'études de la politique de Songun, l'Association britannique d'études des aides du Juche et l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée, le Comité préparatoire suisse du rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017, le Comité suisse-Corée et le Cercle suisse d'études des aides du Juche ont lancé les déclarations communes et le Comité national éthiopien d'études du kimilsonisme-kimjongilisme, l'Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques et le groupe de solidarité russe avec la République populaire démocratique de Corée, les déclarations conseillant aux États-Unis de prêter l'attention aux avertissements de la Corée qui ne fait point des paroles vides de sens en soulignant que l'armée populaire de Corée déjouera les simulacres de guerre criminelle des provocateurs par une puissante riposte.